بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس السابع والتسعين 97 لسون. قال المؤلف حفظ الله تعالى السؤال السابع والسبعين بار 777 كيستيون. ماذا يفعل إذا لم يجد الماء أو كان استعمال الماء يضره؟ كمان doit-on agir pour celui qui ne trouve pas d'eau ou alors celui dont l'eau pourrait lui porter préjudice, c'est-à-dire qu'il est malade, il a une blessure et qu'il ne peut pas utiliser de l'eau. Comment doit-il se purifier pour ces salates ? قَالَ يَتَيَمَّمْ بِالتُّرَابِ, c'est-à-dire qu'il fait ses ablutions tranchées sèches avec de la terre. Et la preuve, c'est la parole d'Allah où il dit وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Il a dit dans le sens, Allah Azza wa Jal, si jamais vous êtes malade ou alors en voyage et que l'un d'entre vous vient des grands besoins et que, ou que vous avez eu des rapports avec les femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors faites les ablutions sèches avec de la terre et essuyez-vous vos visages ainsi que vos mains. Al-Ma'ida, la table servie, verset 6. Et Saïd, de Rolama dit, c'est tout ce qui est sur terre. C'est-à-dire qu'il y en a qui c'est valable même avec des pierres ou toute matière qui viendra du sol. Et d'autres Rolama, ils voient qu'il faut que ce soit une matière qui soit poussiéreuse comme la terre. Ça, c'est un sujet à divergence. Donc, une fois de plus, comme on dit dans ce genre de situation, la personne prend l'avis le plus prudent. ثم قال في سؤال 778e question. اذكر كيفية التيمم. Donc cite comment s'accomplit le tayammum, comment est-ce qu'il se fait. قال يضرب يدي بالأرض ضربة واحدة, qui frappe le sol un coup. Quand il tape le sol un coup, une seule fois. ثم ينفخ فيهما, ensuite il souffle dans ses deux mains pour ne pas laisser trop de terre. ويمسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه, qu'il se frotte les deux mains, d'accord, les deux mains, c'est-à-dire la droite sur la gauche, puis se frotte le visage. C'est tout. Et également, dans une version, il peut commencer par le visage et ensuite par les mains. Il peut commencer par le visage et par les mains, ou commencer par les mains et le visage. Maintenant, tout ce qui est venu qu'il doit monter jusqu'au coude ou réaliser les casse n'a aucune preuve authentique à l'appui. Le tayammum, c'est comme il cité là, comme dans le hadith de Ammar ibn Yasir, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé pour un besoin, et que là, il est rentré en teinte d'impureté majeure, et qu'il n'a pas trouvé d'eau. Alors il s'est roulé par terre, comme le ferait un animal. Il ne savait pas comment faire le tayammum. Puis il a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de son acte. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand alaykan yakfik, entafa ila kada. Il te suffisait de faire comme cela, puis il frappa avec ses deux mains le sol, et se frotta les deux mains, puis le visage. ثم قال في السؤال 79 بار 779e question. ما حكم المسح على الخفين؟ Qu'en est-il de se dessuyer justement sur les pantoufles en cuir? Ça peut être également les chaussettes, d'accord, épaisses, ou des chaussures même hautes. Il faut que cela dépasse les chevilles. Donc cela est une sunna. Une sunna. Il a atralahuma tahiratain, c'est-à-dire qu'il a enfilé ses chaussettes ou ses pantoufles, ou réalisé les cas, en étant en état de purification, alors il a le droit d'essuyer dessus par la suite pendant un jour s'il est résident et trois jours si jamais il est voyageur. Ou le hadith, Al-Mughira ibn Shu'bah, qu'allait kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, fa awhaytu lianza'a khuffayhi, fa qu'allait da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn fa masaha alayhima. Muttafaqun alayhi. Donc il a dit, le Mughira, que j'étais en voyage avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait ses ablutions. Il avait fait ses besoins, après ses ablutions. Je me suis donc baissé pour lui enlever ses roufs. Il a dit, laisse-les, car je les ai enfilés en état de purification. Puis il a essuyé sur ses deux roufs, sur le dessus. D'accord, sur le dessus. Quand la fissouel, la famaline bat sabamiya, 780e question. Kam yamsah al-musafir wal-muqim. Il dit, combien... une durée de combien de temps le voyageur peut-il essuyer ainsi que le résident. Qala al-musafiru Salast ayam, comme nous l'avons dit, donc le voyageur c'est 3 jours et 3 nuits, et le mokim, le résident, c'est un jour et une nuit, c'est-à-dire 24 heures. Et le dalil, c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليلة يهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني المسح على الخفين حديث رواه مسلم que le Nabi صلى الله عليه وسلم a accordé aux voyageurs 3 jours et 3 nuits et aux résidents un jour entier, c'est-à-dire une journée et sa nuit, c'est-à-dire pour s'habiller sur les khufayn. Et de quand on débute justement le compte du temps? À partir du premier essuyage que tu as fait. Par exemple, tu as enfilé tu as fait le wudu, par exemple, tu as enfilé tes chaussettes au dhohr. Puis, avant le maghreb, tu as perdu tes ablutions, par exemple. Donc, tu refais tes ablutions pour la salat du maghreb. Et de là, tu essuies sur tes chaussettes. Donc, c'est à partir de ce premier essuyage que tu comptes soit un jour si tu es résident, ou soit 3 jours si jamais tu es voyageur. À partir de là, à partir du premier essuyage que tu as fait. ثم قال في سؤال 81/780 question. من هم الذين ينكرون المسح على الخفين? Qui sont ceux qui justement eux renient cet essuyage sur les pantoufles? Ce sont les Shia, les chiites. C'est pour cela que tu verras dans les kutub de Aqida que les ulama citent justement cette mas'ala là. Quelqu'un pourrait dire, c'est quoi le rapport entre la Aqida, le fait de croire en Allah, en ses noms, ses attributs, des choses qui touchent à l'au-delà, et les sièges sur les chaussures, ou plutôt sur les pantoufles, qui lui à la base est une chose qui est liée au fiqh, à la jurisprudence. Il dit c'est en réfutation au shia, d'accord, au chiite, car cela est un sujet sur lequel les gens de la sunna sont unanimes. Et qu'on parle des gens de la sunna, de façon générale, comme certains ulama l'ont dit, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas chiite pour eux, c'est un sunni, et de façon spécifique, c'est-à-dire les salafis. Les salafis. ثم قال في السؤال 82/782 question. ما حكم الصلاة بل ما حكم الصلاة في النعال الطاهرة? Qu'en est-il de faire la salat dans des chaussures qui sont elles propres et purifiées? Ça c'est mustahab, c'est préférable, c'est une sunnah. Comme dans le hadith de Shaddad ibn Aws. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم وَلَا خِفَافِهِمْ رَوَاهُ أَبُو دَاهُودِ qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam contredisait les juifs qui ne font pas salat dans leurs chaussures ni dans leurs pantoufles, c'est-à-dire faites-le vous. Donc c'est un ordre mais pas un ordre d'obligation, un ordre de préférence, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait salat sans ses chaussures. C'est pour que ce n'est pas une obligation dans l'absolu, à condition que celle-ci soit propre, à condition que celle-ci soit propre, qu'il n'y ait rien en dessous. Comme on le faisait à Dammaj, c'est le seul lieu que j'ai pu connaître où les gens pouvaient faire salat dans leurs chaussures et dans leurs claquettes, leurs sandales. Mais bien sûr, il faut vérifier avant de rentrer au masjid. Maintenant, ce n'est pas une chose à faire n'importe où, là où il y a des awam, des gens qui sont ignorants, ça va mener plus de mal. Car les gens ne connaissent pas cela et risquent de faire un scandale. Car pour eux, c'est une chose qui est immonde. Pour eux, ce n'est inconcevable. Et on dit qu'il y a des hadiths qui prouvent qu'il faut le faire. Mais comme les gens ne savent pas, comme on dit, évitez un mal est meilleur qu'apporter un bien, donc les gens le délaissent. Mais tant que l'occasion est faite, qu'on peut leur enseigner, il faut leur enseigner. Il faut leur enseigner. Donc là, c'était le dernier ders qui touche à At-Tahara, la purification, pour ensuite par la suite rentrer dans Bab al-Salah, Inch'Allah Ta'ala. Fabi Hadakon Naktafi, wa alhamdulillah.